Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 67. Des ministres du baptême. Que les prêtres, et non les diacres, sont les propres ministres du baptême. Cependant un laïc peut baptiser en cas de nécessité. Nécessité d'un parrain. Ses devoirs. 1. Le diacre a-t-il le droit de baptiser? Le pape Gélase a porté ce décret, nous ordonnons aux diacres de rester dans les limites de leur office, qu'il n'est pas la témérité de baptiser, à moins qu'en l'absence de l'évêque ou d'un prêtre la nécessité ne les y contraigne. Il n'appartient aux diacres, d'après leur office propre, que d'assister et de servir les ministres supérieurs dans l'administration des sacrements, ils n'ont pas le droit de baptiser. Note. Saint Laurent baptisa plusieurs personnes, quoiqu'il ne fût que diacre, mais il y était autorisé par l'exception mentionnée dans le décret du pape Gélase, il y avait nécessité urgente. Fin de la note. 2. L'administration du baptême appartient-elle proprement aux prêtres? Les prêtres sont ordonnés pour consacrer le sacrement du corps de Jésus-Christ, qui est le sacrement de l'unité de l'Église, selon cette parole, nous sommes tous un seul pain et un seul corps. Or c'est le baptême qui, en introduisant les hommes dans l'Église, leur donne le droit de venir à la table du Seigneur. Si donc il appartient au prêtre de consacrer l'Eucharistie, laquelle est la fin principale du sacerdoce, il est aussi de leur office propre de baptiser. Quiconque a le pouvoir de réaliser le tout a aussi celui de disposer les parties pour le tout. Note. Les évêques ont bien le droit de baptiser, mais, dans tous les états, les choses moindres appartiennent aux offices inférieurs. Le baptême ne plaçant le néophyte qu'au dernier rang dans la société chrétienne, l'administration de ce sacrement appartient aux prêtres, qui remplacent les 72 disciples du Christ. Fin de la note. 3. Un laïc peut-il baptiser? Le pape Gélase et saint Isidore disent, lorsque la nécessité est pressante, il est permis aux simples fidèles de baptiser. Dieu, voulant, dans sa miséricorde, que tous les hommes soient sauvés, a choisi, pour le baptême, qui est le plus nécessaire de tous les sacrements, une matière commune, l'eau, que chacun peut aisément se procurer, et il a établi que toute personne, même laïque, en serait le ministre, afin que qui que ce soit ne manque son salut, faute d'avoir pu se faire baptiser. Note. Un laïc qui baptise hors le cas de nécessité, pêche. Il confère néanmoins le sacrement de baptême, qui ne doit pas être réitéré. Fin de la note. 4. Une femme peut-elle baptiser? Consulté sur cette question, le pape Urbain II répondit, le baptême est bon, quand une femme, en cas de nécessité, baptise un enfant au nom de la Sainte Trinité. De même qu'un homme laïc peut, dans le cas de nécessité, baptiser, comme ministre de Jésus-Christ, une femme le peut également, mais si un homme est présent, on doit le préférer. Note. Alors même qu'une femme aurait baptisé sans nécessité, on ne devrait pas réitérer le baptême. Fin de la note. 5. Une personne qui n'est pas baptisée peut-elle conférer le sacrement de baptême? Un homme qui n'est pas baptisé, qu'il soit juif ou païen, peut, dans la nécessité, conférer le sacrement de baptême, en observant la forme usitée dans l'Église. Voici la réponse du pape Nicolas Ier à la consultation des Bulgares. Vous demandez ce qu'il faut faire à l'égard de beaucoup de personnes baptisées dans votre pays par un juif, sans que l'on sache s'il était chrétien ou non. Si ces personnes ont été baptisées au nom de la Sainte Trinité, on ne doit certainement pas les rebaptiser. Mais si la forme prescrite par l'Église n'a pas été observée, le sacrement n'a point été conféré. Il résulte de là que si deux personnes non baptisées se baptisent mutuellement l'une après l'autre, elles reçoivent toutes les deux non seulement le sacrement, mais l'effet du sacrement, c'est-à-dire le caractère et la justification. Toutefois, si elles agissaient ainsi sans une nécessité réelle, elles pécheraient grièvement, et leur péché empêcherait l'effet du baptême. Le sacrement serait néanmoins valide. Note. Celui qui confère le baptême remplit seulement un ministère extérieur. Jésus-Christ, qui baptise intérieurement, peut se servir, à son gré, de tous les hommes, et c'est pour cette raison que ceux qui n'ont pas reçu le baptême peuvent néanmoins baptiser. Le baptême qu'ils donnent n'est pas à eux, il est au Christ, qui n'a enchaîné sa puissance, ni aux hommes baptisés, ni même au sacrement. Fin de la note. 6. Plusieurs personnes peuvent-elles en baptiser conjointement une seule? Ces personnes disent-elles, nous te baptisons, le baptême ne paraît pas bon, elles en corrompent la forme, et, de plus, les paroles qu'elles prononcent semblent annoncer que plusieurs ministres ont l'intention de se réunir pour conférer un seul baptême, tandis qu'il ne doit y en avoir qu'un seul qui représente le Christ. Ces personnes détruisent en quelque sorte la notion que nous avons du ministre qui baptise comme tenant la place de Jésus-Christ. Chaque personne dit-elle, « Je te baptise », le baptême est conféré par la première qui prononce les paroles. Si toutes les disent en même temps, chacune baptise autant qu'il est en elle, et le baptême est validé. Jésus-Christ, qui seul baptise intérieurement, peut bien conférer un même sacrement par l'intermédiaire de plusieurs ministres. Quoi qu'il en soit, ces personnes, donnant le baptême d'une manière contraire aux règles de l'Église, pécheraient grièvement. Note. Dans la nécessité, une seule personne pourrait en baptiser plusieurs en même temps, avec cette formule, « Je vous baptise ». Mais si une personne récitait la formule, tandis que l'autre procéderait à l'application de la matière, par exemple, à l'immersion, le baptême ne serait pas bon, ni l'une ni l'autre n'aurait baptisé. Fin de la note. 7. Est-il nécessaire que la personne que l'on baptise soit tenue par quelqu'un sur les fonds sacrés? Semblable à un enfant nouvellement né, le nouveau baptisé, novice dans la foi et dans la vie chrétienne, a besoin que quelqu'un lui tienne lieu de nourrice et de maître. Occupé des besoins généraux du peuple, les supérieurs ecclésiastiques ne sauraient pourvoir à ce soin particulier. Il est nécessaire qu'une autre personne reçoive, au sortir des fonds sacrés, le néophyte, en témoignant qu'elle se charge de l'instruire et de veiller sur lui. Note. Le parrain n'est pas indispensable pour la validité du sacrement, dans un cas de nécessité, une personne seule peut baptiser. Fin de la note. 8. Le parrain est-il obligé d'instruire ceux qu'il a tenus sur les fonds sacrés? Saint Augustin dit dans un sermon, hommes et femmes qui avaient tenu des enfants sur les fonds du baptême, je vous rappelle que vous vous en êtes rendu garant devant Dieu. En effet, si celui qui accepte une charge doit la remplir, le parrain, qui s'engage à servir de maître au nouveau baptisé, doit en prendre soin, du moment qu'il y a nécessité, par exemple, Lorsque le néophyte est élevé parmi les infidèles, chez les catholiques, il peut s'exempter de ce soin, par la pensée que les parents s'acquittent convenablement de leurs devoirs. Mais, dès qu'il s'aperçoit qu'il n'en est rien, il est tenu de pourvoir, autant qu'il le peut, au salut de son enfant spirituel. Note. Quant au choix des parrains, on admet toutes sortes de personnes dans les pays où le danger de subversion n'existe pas, toutes y étant généralement instruites de leurs devoirs religieux, mais, dans les lieux où un tel péril est à craindre, on doit faire choix d'un homme versé dans la connaissance des vérités de la foi et des devoirs de la vie chrétienne. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.